L'âme pressée, Noir Désir sur RGM. Il est un peu plus de 8h37. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 16 mai. Alors, on commence en 1944 avec la naissance de Danny Trejo, acteur américain vu dans Desperado, Heat, Une nuit en enfer 1, 2 et 3 dans le rôle de Razor Charlie, 6 jours, 7 nuits, Spy Kids 1, 2, 3 et 4 dans le rôle d'Isidoro Cortez, Triple X dans le rôle d'El Jefe, Machete Kills dans le rôle de Machete Cortez, à la télévision dans Desperate Housewives, Breaking Bad, Sons of Anarchy dans le rôle de Romero Parada di Romeo, ou encore NCIS Los Angeles ou bien Blue Bloods. 1951, naissance de Christian Lacroix, célèbre couturier français. 1953, naissance de Pierce Brosnan, acteur irlando-américain connu pour être le cinquième acteur à avoir incarné James Bond, qu'il a interprété dans 4 films de la franchise britannique. GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour. On l'a aussi vu dans Madame Doubtfire dans le rôle de Stuart Dunmayer, Mars Attacks dans le rôle du professeur Donald Kessler, Leçon de séduction, Mamma Mia, Here We Go Again, il est vraiment pas facile à dire ce nom, dans le rôle de Sam Carmichael, Percy Jackson, le voleur de foudre, dans le rôle de Chiron, ou encore Remember Me. 1955, naissance de Debra Winger, actrice américaine, vue dans les années 70 dans la série télé Wonder Woman, où elle interprétait Drusilla, alias Wonder Girl. 1959, naissance de Mary Winningham, actrice américaine, vue dans le feuilleton Les oiseaux se cachent pour mourir, dans le rôle de Justin O'Neill, vue dans les séries Esprit criminel, 24 heures chrono, The Affair ou encore Grey's Anatomy, où elle a incarné durant quelques épisodes le rôle de Suzanne Grey. 1963, naissance de Serge Tessoguet, guitariste français du groupe Noir Désir. 1965, naissance de Christ Novoselic, bassiste du groupe Nirvana. 1966, naissance de Janet Jackson, chanteuse américaine. On écoute tout de suite un extrait de l'un de ses titres intitulé All For You. Girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to buy it tonight. Oh my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1. Voilà pour l'extrait de Janet Jackson. Allez, on continue. 1968, naissance de Judith Henry, actrice française, vue au cinéma dans Germinal, Les vacances du petit Nicolas ou encore dans la série télé Un village français. 1969, naissance de David Boreanaz, acteur américain, connu pour son rôle d'Angel, tout d'abord dans la série Buffy contre les vampires, ensuite dans la série Angel, vue dans la série Bones dans le rôle de l'agent spécial du FBI Seeley Booth ou encore Seal Team dans le rôle de Jason Hayes. 1973, naissance de Tori Spelling, actrice américaine connue pour son rôle de Violette Ann Bickerstaff dans la série télé Sauvée par le Gong, mais surtout son rôle de Donna Martin Silver dans Beverly Hills, ainsi que Beverly Hills Nouvelle Génération et dans les futurs épisodes de Beverly Hills qui vont arriver cet été. D'ailleurs, il y a eu un teaser dévoilé par la chaîne américaine. Allez le voir, il est pas mal hein, pour tous les fans de Beverly Hills. Ça rappelle forcément vraiment des souvenirs. Et on avait pu la voir également dans deux épisodes de la série Smallville où elle a incarné Linda Lake. 1974, naissance de Laura Pozzini, chanteuse italienne. 1977, naissance de Melanie Linsky, actrice néo-zélandaise vue dans Créatures Célestes dans le rôle de Pauline Parker. Mémoire de nos pères de Clint Eastwood ou encore la série télé Mon oncle Charlie dans le rôle de Rose. 1982, naissance de Billy Crawford, chanteur philippino-américain connu grâce au titre Tricking, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour Tricking de Billy Crawford. On continue, on va rester en 82 puisque c'est aussi la naissance de Lukasz Kubot, joueur de tennis polonais professionnel depuis 2002. En simple, il a été 41e mondial en 2010, quart de finaliste à Wimbledon, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, 16e de finaliste à Roland-Garros et à l'US Open. Mais en double, il a été numéro 1 mondial en 2018. Il a gagné un Open d'Australie et un Wimbledon, une fois finaliste à l'US Open et demi-finaliste à Roland-Garros. 1985, naissance de Stanislas Yanevski, acteur bulgare connu pour son rôle de Victor Krum dans Harry Potter et la Coupe de Feu. 1986, naissance de Megan Fox, actrice et mannequin américaine vue dans le journal intime d'une future star. Transformers 1-2 dans le rôle de Michaela Baines, 40 ans mode d'emploi. Ninja Turtles 1 et 2 dans le rôle d'April O'Neil. La série Ce que j'aime chez toi, Mon oncle Charlie, la star de la famille dans le rôle de Sydney Chanowski ou encore New Girl dans le rôle de Regan Lucas. 1990, naissance de Thomas Brody, Sangster, acteur anglais, vu dans Love Actually, dans le rôle de Sam, Le Labyrinthe, La Terre Brûlée et Le Labyrinthe, Le Remède Mortel, dans le rôle de Newt, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, dans le rôle du sergent Tannison du Premier Ordre, et vu dans les saisons 3 et 4 de la série Game of Thrones, dans le rôle de Jojen Reed. 1991, naissance de Grigor Dimitrov, joueur de tennis bulgare, professionnel depuis 2008, il a été numéro 3 mondial, c'était en 2017. Demi-finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à Wimbledon. 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Roland-Garros. 1993, naissance de Johannes Thingnes Bø, biathlète norvégien qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or, 2 d'argent. Au championnat du monde, 7 médailles d'or, 5 d'argent et 2 de bronze. Il a remporté un gros globe de cristal. On s'en souvient, c'était il y a quelques mois. Il compte également 5 petits globes de cristal et 85 podiums. En 1703, décédé Charles Perrault, homme de lettres français, membre de l'Académie française, un des grands auteurs du XVIIe siècle, s'était plutôt consacré à la collecte et à la retranscription de contes issus de la tradition orale française. Il est l'un des formalisateurs du genre littéraire écrit du conte merveilleux. En 1953, décédé Django Reinhardt, guitariste de jazz manouche. En 1957, décédé Elliot Ness, policier américain de Chicago qui a arrêté Al Capone. En 1985, décédée Margaret Hamilton, actrice américaine connue pour son rôle de la méchante sorcière de l'Ouest dans le film Le Magicien d'Oz. En 1990, décédée Jim Henson, marionnettiste américain, créateur du Muppet Show. Allez, tout de suite, on s'écoute Nirvana avec leur titre « Smells Like Teen Spirit ». Nirvana sur le 107 FM, presque 8h52, on fait un point météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera encore une belle journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 13 et 15 degrés pour cet après-midi. Vendredi, soleil et nuages également avec le retour de la pluie dès la fin de vendredi après-midi. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés tout de même prévu pour demain après-midi. Samedi, ce sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin. Matin, entre 15 et 16 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le sport et le cyclisme et le Giro. L'étape d'hier a été remportée par Ackermann. Le premier français, c'est Arnaud Démare qui s'est classé troisième. Un mot de hockey sur glace avec les championnats du monde et la Suisse s'est imposée 4 buts à 1 face à la Norvège. Les États-Unis se sont imposés 6 buts à 3 face à la Grande-Bretagne. La Russie s'est largement imposée 10 buts à 0 face à l'Italie. Et l'Allemagne s'est imposée dans les dernières minutes de la rencontre 3 buts à 2 face aux pays hôtes. La Slovaquie, plutôt cruelle. D'ailleurs pour les Slovaques qui ont mené pendant quasiment toute la rencontre puisque les deux derniers buts allemands ont vraiment été inscrits dans les toutes dernières minutes. Allez, on passe au programme d'aujourd'hui avec tout d'abord les matchs à 16h15 et il y aura un France-Canada et un Suède-Autriche et à 20h15 la Finlande affrontera le Danemark et la République tchèque sera opposée à la Lettonie. En football, en National 3 rend l'étape, s'est imposé 2 buts à 1 face à 3. En tennis à Rome, tous les matchs d'hier ont été reportés à cause de la pluie qui n'a pas arrêté de tomber pendant toute la journée d'hier. Je vous rappelle donc qu'il y a Jérémy Chardy face à Rafael Nadal, Cilic opposé à Struff, Federer à Souza, Djokovic à Shapovalov, Del Potro à Goffin, également les matchs de Tsitsipas, Nishikori, Fonini ou encore Thiem. Donc ils auront lieu tous aujourd'hui. Et côté féminin, Mlenenović affrontera Bencic, Cornet, Suarez, Navarro, Keys, Kenin et il y aura également les matchs d'Osaka, Alep, Stevens, Kvitova ou encore Bertens. Et on est à quelques semaines maintenant de Roland-Garros et un forfait côté féminin, celui de Maria Sharapova, toujours convalescente après une opération de l'épaule. Elle ne pourra donc pas participer au tournoi parisien. Et on termine avec du biathlon et carnet rose puisque Anaïs Chevalier manquera la saison 2019-2020 mais pour une bonne raison. Elle attend un heureux événement pour cet automne. C'est elle-même qui a annoncé la nouvelle hier sur les réseaux sociaux. Allez, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale et on va aller en Italie avec Laura Pozzini et La solitudine. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre